Selon le magazine Forbes, le monde compte aujourd'hui 2153 milliardaires chanceux qui se partagent le montant pharaonique de 8000 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, cela fait en moyenne 3 milliards de dollars par personne. Et pour vous donner un ordre d'idée, 3 milliards, c'est ce qu'a gagné Bernard Arnault l'année dernière. Devant lui, au classement des plus grandes fortunes mondiales, se trouvent Elon Musk, le PDG de Tesla, Jeff Bezos, celui d'Amazon, Bill Gates et enfin Mark Zuckerberg, qui le talonne de près. Quels points ont-ils tous en commun ? Ils sont milliardaires, certes, mais ils sont aussi tous adeptes de façons d'être, de méthodes et de principes qu'ils appliquent dans leur vie quotidienne et qui sont, selon eux, à l'origine du développement de leurs immenses patrimoines. Les bonnes habitudes, ce sont elles qui vont vous guider sur le chemin de la richesse. Nous allons vous faire découvrir quels sont ces principes et comment ils peuvent vous guider sur la voie de la réussite. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Pour soutenir notre travail et être informé de nos dernières vidéos, merci de vous abonner à Money Radar. Et voici le top 5 des meilleurs conseils de milliardaires pour devenir riche. Respectez la règle des 5 heures. Chaque jour est fait pour apprendre. Ce proverbe fait l'unanimité chez les philosophes, mais aussi chez les millionnaires. Nous vivons aujourd'hui dans une société qui ne laisse pas beaucoup de temps pour apprendre de nouvelles choses. Nos plannings sont généralement minutés et le peu de temps libre dont nous disposons nous sert surtout à nous reposer. Les jours se suivent et se ressemblent, nous accomplissons toujours les mêmes tâches. Résultat, nos capacités intellectuelles stagnent, voire diminuent chaque jour un peu plus. Un processus quasiment invisible et indolore, mais qui peut réellement vous empêcher de trouver la voie vers le succès. Si vous rêvez de faire fortune un jour, il va vous falloir inverser rapidement la vapeur, et il existe pour cela un moyen très simple et très facile d'accès. Tous les grands hommes d'affaires, d'Elon Musk à Alice Walton, la dirigeante des magasins Walmart, ou de George Soros au Big Short Man des subprimes Michael Burry, tous pratiquent la règle des 5 heures. Il s'agit tout simplement de s'accorder une heure par jour, soit 5 heures par semaine, pour apprendre quelque chose de nouveau. Choisissez une activité ou un thème qui vous plaît ou que vous souhaitez découvrir et plongez-vous dedans. Ça peut être n'importe quoi et ça peut prendre n'importe quelle forme. Suivre des cours de cuisine, lire un roman ou un journal financier, regarder un documentaire sur Napoléon, apprendre à jouer d'un instrument ou à dessiner, ou tout simplement observer votre environnement pendant une balade dans la nature. La liste est longue, très longue. À vous de choisir ce qui vous attire le plus, ça n'a aucune importance tant que vous apprenez de nouvelles choses et n'abandonnez pas avant d'y avoir consacré au moins 20 heures ou 2 semaines minimum. Chaque fois que votre cerveau enregistre une nouvelle information, de nouvelles connexions neuronales se créent. Par exemple, lorsque vous regardez une vidéo sur Money Radar, en plus d'aiguiser vos compétences financières, vous stimulez votre mémoire et vous améliorez vos capacités intellectuelles. Ne vous en privez donc pas. Efforcez-vous de retenir ce que vous avez appris, pratiquez, parlez de votre nouvelle activité à vos proches ou prenez des notes. Chaque jour, vous devenez plus réactif et plus efficace et vous êtes capable de traiter plus vite un plus grand nombre d'informations. C'est de cette façon que les hommes et les femmes qui réussissent développent ou entretiennent leur efficacité, et ce, dans tous les domaines. Deuxième conseil, ne restez pas seul. Se lancer dans un nouveau projet est toujours un moment très excitant et il est fréquent de foncer tête baissée en direction de l'objectif fixé. Pourtant, vous devez partir du principe que vous rencontrerez forcément, à un moment ou à un autre, une ou plusieurs situations qui vous donneront du fil à retordre. Et quand ce moment arrivera, vous devrez avoir quelqu'un sous la main pour vous aider, car vous n'aurez pas toujours été préparé à toutes les éventualités. Les milliardaires d'aujourd'hui n'étaient pas seuls quand ils ont bâti leur fortune. Warren Buffett était accompagné par son mentor, l'économiste Benjamin Graham. Bill Gates a enrichi ses connaissances auprès de Warren Buffett, et John Rockefeller, lui, était soutenu par un père créatif et incroyablement doué pour la négociation. Vous devez pouvoir compter sur un cercle de personnes qui en savent plus que vous. N'ayez pas peur de ne pas avoir leur niveau, bien au contraire. En leur posant toutes vos questions, vous leur montrez votre intérêt. Et plus vous apprenez auprès d'eux, plus ils vous tirent vers le haut. Sachez qu'il n'y a aucune honte à demander ou à répondre « je ne sais pas ». Vous pouvez également prendre exemple sur des traders célèbres pour leur sagacité ou ces fortunes bâties sur la clairvoyance d'une seule personne très avisée. Eux aussi ont débuté un jour. Mais tous avaient auprès d'eux un parent, un patron ou un associé, sorte de guide ou professeur pour leur montrer le bon chemin et élever en permanence leur niveau de compétence. Conseil numéro 3, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Connaissez-vous la magie de la cassette? La plupart des grandes fortunes ont suivi, consciemment ou pas, cette tradition popularisée par la pièce de théâtre de Molière, L'Avare, et adaptée au cinéma avec Louis de Funès en vedette. Il s'agit d'une superstition apparue durant le Moyen-Âge et qui était pratiquée par les personnes en quête de tous les moyens pour faire fortune, même les plus farfelus. Une cassette, un mot dérivé de caissette, est un petit contenant, généralement un coffret destiné à recevoir de l'argent ou des objets de valeur. En échange de quoi, elle est censée attirer la fortune. À chaque rentrée d'argent, il faut en donner une part à la cassette. 10% est un montant raisonnable. Et plus la cassette se remplit, plus l'argent abonde. C'est magique. Retirer cet argent, ou pire, comme l'harpagon de Molière se le faire voler, serait dramatique et entraînerait la ruine prochaine et inévitable de toute la famille. Rien que ça, car il ne doit pas être dépensé en futilité. Lorsque la cassette est pleine, l'argent doit être réinvesti pour acheter un bien durable qui prendra de la valeur, par exemple une maison, un bijou ou une œuvre d'art. Il peut aussi être placé de façon à ce qu'il produise un revenu. Il n'y a donc rien de bien magique dans cette méthode, car une fois la cassette vide, le cycle recommence. Et cette fois, 10% de ces nouveaux revenus s'ajoutent aux autres. Le coffre se remplit alors plus vite, ce qui permet de nouveaux investissements qui produisent à leur tour 10%, et ainsi de suite. De nos jours, les coffrets ont été remplacés par les comptes d'épargne et les pièces d'or par des actions ou des biens. Mais cela fonctionne toujours d'autant plus que les cassettes modernes versent des intérêts et les pièces d'or numériques qu'elles contiennent payent des dividendes. La quasi-totalité des milliardaires que nous avons cités a commencé par épargner 10 à 15% de chacune de leurs entrées d'argent et nous avons les preuves que c'est très efficace. Et heureusement, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Conseil numéro 4. Vivez en dessous de vos moyens. Warren Buffett vit toujours dans une maison qu'il a payée 31 500 dollars en 1958. Le fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, roule dans une voiture qui a plus de 30 ans et achète sa déco dans ses propres magasins. Un sondage réalisé en 2008 par Prince & Associates sur 439 familles américaines fortunées révèle que 59% d'entre elles ne dépensent que très peu au regard de leurs revenus. Les plus riches, à l'exception de certains millionnaires très médiatisés, s'accordent tous pour clamer qu'il faut vivre en dessous de ses moyens. Warren Buffett rappelle fréquemment qu'il ne faut pas confondre le coût de la vie, c'est-à-dire ce qu'il vous faut pour vivre et vous divertir correctement, avec le niveau de vie qui lui est souvent très supérieur. Ce dernier est déterminé par le montant total de vos dépenses mensuelles. Si votre niveau de vie est plus élevé que vos revenus, vous vivez au-dessus de vos moyens et vice-versa. C'est d'une simplicité enfantine. Et pourtant, si vous dépensez chaque mois moins que ce que vous gagnez, vous pouvez utiliser l'argent disponible pour le faire fructifier. Tandis que si vous utilisez tout ce que vous gagnez pour subvenir à vos besoins, il ne vous rapporte rien. Pire encore, si vous empruntez pour acheter, vous perdez de l'argent car vous payez en plus des intérêts. Vous ne deviendrez jamais riche si vous ne dépensez pas moins que ce que vous gagnez, et encore moins si vous vous endettez. Tout le secret est là. Examinez vos revenus, quel que soit leur montant, et comparez-les à vos dépenses. Contrairement à ce que l'on pense, diminuer ses dépenses est toujours possible, même si votre niveau de vie n'est pas celui d'un milliardaire. Vous disposez de nombreux leviers à actionner tous les jours pour faire des économies. Par exemple, surveillez interrupteurs et radiateurs pour réduire les facteurs d'énergie. Produisez vos légumes et vos fruits sur un coin de balcon ou de jardin. Déplacez-vous sans la voiture. Déménagez dans un logement plus petit ou plus économe. Et vendez ce qui ne vous sert pas. Vous pouvez aussi trouver d'autres sources de revenus. Bref, chacun peut agir à son niveau pour pouvoir se dégager chaque mois un peu d'argent à faire fructifier. Ou pourquoi pas, à verser dans une cassette. Conseil numéro 5. C'est en échouant qu'on apprend. Il n'y a aucune honte à se tromper, mais seulement à omettre de corriger ses erreurs. Cette citation, nous la devons au milliardaire et philanthrope américain George Soros. Elle est devenue célèbre car elle représente parfaitement l'état d'esprit américain, le pays des pionniers de l'entreprise. C'est un pays où l'on encourage les gens à se tromper, à trébucher, voire à échouer si possible plusieurs fois. Vous avez bien entendu, car aux États-Unis, on considère que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le plus. Vous vous êtes planté ? Tant mieux. Au moins, vous avez essayé. Mais attention, avant que cela ne soit considéré comme une expérience de grande valeur, vous devez être capable d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Car on vous demandera comment vous allez faire pour corriger le tir et vous améliorer. N'ayez pas de scrupules à reconnaître que vous vous êtes trompé. Même les meilleurs se sont un jour lamentablement illustrés. Warren Buffett a loupé l'envolée des actions des GAFA parce qu'il ne croyait pas aux nouvelles technologies ni à la Silicon Valley. Donald Trump a essuyé de nombreuses faillites avant de finir président de la première puissance économique et mondiale. Et il ne s'agit évidemment pas que de finances. Car avant lui, Copernic, Galilée et même Hippocrate s'étaient eux aussi bien plantés, il faut le reconnaître. Même les meilleurs se trompent, mais il faut savoir en tirer les leçons. Visez la réussite, mais n'ayez pas peur de l'échec. À présent, récapitulons. Adopter les mêmes comportements que les milliardaires et les grands hommes d'affaires est un bon moyen de se mettre sur l'autoroute de la réussite. Développez vos capacités intellectuelles, par exemple en regardant des vidéos sur Money Radar avec la règle des 5 heures. Ne restez pas seul et entourez-vous de personnes qui en savent plus que vous. Épargnez 10 à 15% de chacune de vos rentrées d'argent pour qu'elles produisent à leur tour d'autres rentrées. Pour cela, entre autres, efforcez-vous de vivre en dessous de vos moyens. Enfin, même si c'est douloureux, échouer n'est pas une fin si vous savez en tirer les bonnes leçons. Ces 5 conseils sont réellement à la portée de tout le monde et adaptables à toutes les situations. Il n'y a plus qu'à les mettre en pratique dès maintenant pour commencer à agir comme un milliardaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire des grands capitaines de la finance que nous avons cités, comprendre comment ils ont agi pour se hisser en tête du classement Forbes, vous trouverez des liens vers d'autres vidéos ou vers des livres qui leur sont consacrés dans le descriptif. Vous pouvez soutenir notre chaîne pour toujours plus de conseils, de comparatifs et d'actu financière. Il suffit de vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de commenter pour nous aider à nous améliorer. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt sur Money Radar.